Section 28 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johan. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. L'Europe féodale, les croisades. 1095-1270. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 6, troisième partie. Les principautés franques d'Orient, par Charles Seignobos. Le royaume de Jérusalem. La croisade avait duré 3 ans. Elle avait abouti à établir des seigneurs chrétiens en Asie sur 4 points. Baudouin à Édesse, Bohémond à Antioche, Raymond dans le pays de Tripoli, Godefroy à Jérusalem. Ce n'étaient pas encore des États. Les chrétiens n'occupaient encore que quelques places fortes. Mais chacune de ces places fut un centre de conquête. Le royaume de Jérusalem fut d'abord le plus pauvre de tous les États. Les croisés, ayant accompli leurs vœux, étaient repartis pour leur pays. Godefroy resta avec 200 chevaliers seulement. En juin 1100, des navires vénitiens ayant débarqué à Jaffa, il alla implorer leur secours. Les Vénitiens consentirent à l'aider pendant 2 mois, à condition de garder pour eux le tiers des villes qu'on prendrait. Godefroy mourut en 1110. Baudouin, son frère, quitta Édesse et vint prendre possession de Jérusalem. Il amenait 200 chevaliers et juste assez de fantassins pour occuper les 4 villes qui composaient alors tout le royaume, Jérusalem, Ramla, Caïphas et Jaffa. Jaffa était le seul port qui mit le royaume en communication avec l'Europe. Un pèlerin qui fit le voyage en 1102 dit que la route de Jaffa à Jérusalem était encore infestée de cavaliers sarrasins, semés de cadavres qu'on a pu ensevelir et bordés de villages en ruines. « Nous étions perdus, dit le chapelain de Baudouin, si les musulmans nous avaient attaqués. C'est Dieu qui les en a empêchés. » Le royaume était si pauvre qu'on supprima une partie des anciens évêchés. Il y eut ainsi, sous les princes chrétiens, moins d'évêchés qu'au temps des princes musulmans. Le véritable fondateur du royaume fut Baudouin, 1100-1118. Il repoussa définitivement les attaques des armées égyptiennes et parvint à conquérir une à une toutes les villes de la côte, Arsouf, Césarée, Saint-Jean d'Acre ou Ptolémaïs, Sidon, Beyrouth, avec l'aide des marchands de Venise et de Gênes. Tyr ne fut prise qu'en 1124, Ascalon qu'en 1153. Alors seulement le royaume de Jérusalem fut complet. Il s'étendait sur la côte depuis Ascalon jusqu'à Beyrouth. C'était toute l'ancienne Phénicie et un morceau de la Palestine. Fondation des principautés de Syrie. En Syrie, il n'était d'abord resté que les Normands de Bohémond, maître d'Antioche. Bohémond, pour agrandir son domaine, vint assiéger Alep. Mais il se laissa détourner sur l'Asie mineure où l'appelait un prince arménien, fut surpris par une troupe de cavaliers turcomans, vaincu et pris. 1100. Tancrède, après avoir cherché en vain à se faire reconnaître prince de Jérusalem, revint défendre Antioche, attaqué par les Turcs, et la dégagea. 1101. En ce moment, une nouvelle croisade arrivait en Orient. Elle s'était formée à la nouvelle des victoires sur les infidèles, et se composait de chrétiens de tout pays. 50 000 Italiens du Nord, avec l'archevêque de Milan, le duc d'Aquitaine, avec 50 000 hommes, les comtes de Bourgogne, de Blois, de Nevers, les évêques de Laon, Soissons, Paris, le duc de Bavière, l'archevêque de Salzbourg, la margrave d'Autriche. Beaucoup de femmes suivaient l'expédition. Les Lombards arrivèrent les premiers à Constantinople, mars 1101. L'empereur voulut les envoyer en Asie. Ils refusèrent et attaquèrent un couvent fortifié dans les faubourgs. Au printemps, les Français et les Allemands les rejoignirent après avoir descendu le Danube et bataillé en Bulgarie contre les guerriers Petcheneg au service de l'empereur. Les croisés se divisèrent en 3 armées. La première qu'on évalua à 260 000 hommes, formée surtout de Lombards et de Français, partit en juin avec Raymond de Toulouse et un corps de soldats byzantins pour aller à travers l'Asie mineure délivrer Bohémond et marcher sur Bagdad. Elle arriva devant Ancyre, prit la ville, la remit aux Byzantins, puis suivit le cours de l'Alys dans un pays où les musulmans avaient fait le vide. Les croisés, affamés, épuisés et désorganisés, n'étaient plus en état de résister à l'armée musulmane quand elle les attaqua sur les bords de l'Alys. À la fin du second jour de combat, ils se débandèrent et s'enfuirent en désordre du côté de la mer Noire. Les chevaliers arrivèrent à Sinope, où ils s'embarquèrent pour Constantinople. Les fantassins, les prêtres et les femmes furent massacrés ou pris. La seconde armée, sous le comte de Nevers, partit quelques semaines plus tard pour rejoindre les Lombards, ne les trouva plus à Ancyre et tourna au sud pour aller en Syrie. Mais, harcelée par l'ennemi et tourmentée par la soif, elle fut dispersée et détruite au pied du Taurus. La troisième armée, Aquitains et Allemands, forte de 100 000 hommes, dit-on, s'embarqua pour l'Asie mineure, pleine de défiance contre l'empereur qu'on accusait de vouloir trahir les Latins en les livrant aux Turcs. Des milliers de croisés refusèrent de passer en Asie mineure. Les uns s'embarquèrent pour la Syrie, d'autres revinrent chez eux. Les autres suivirent la route de la première croisade par Nicée et Iconium. À la fin d'août, épuisés de soif et de fatigue, ils se heurtèrent, près d'Héraclée, à une armée musulmane, s'enfuirent sans résistance et furent presque tous massacrés. Guillaume d'Aquitaine et Welf de Bavière échappèrent. L'archevêque de Salzbourg périt. La margrave Ida et beaucoup de nobles dames disparurent. D'après une légende, Ida, prisonnière d'un émir turc, serait devenue mère du fameux Imad ed-Din Zenki. Ainsi avorta la grande croisade de 1101. Trois grandes armées étaient anéanties. Les débris se réfugièrent à Antioche, dont le nombre était Raymond de Toulouse. Tancrède le fit arrêter, mais ne le relâcha qu'après lui avoir fait jurer de n'occuper aucune ville entre Antioche et Saint-Jean d'Acre. Raymond partit et, avec l'aide d'une petite flotte de Génois, s'empara de Tortosa. Alors commença une nouvelle principauté qui s'étendit au sud, celle des Provençaux. Raymond vint ensuite s'établir devant Tripoli et bâtit une forteresse en face de la ville. Les Normands étaient privés de leur chef, Bohémond, prisonnier des Turcs. Tancrède ne se souciait pas de délivrer son oncle. Il préférait gouverner à sa place. Ce fut un prince arménien qui paya la rançon de Bohémond, 1103. Aussitôt délivré, Bohémond s'entendit avec les Arméniens et avec Baudouin d'Édesse et son vassal, Jocelyn de Courtenay, hardi chevalier établi en 1101 dans les châteaux à l'ouest de l'Euphrate, pour une grande expédition contre la ville de Haran, qui domine la route entre la Mésopotamie et la Syrie. Il s'agissait d'isoler les musulmans de Syrie. Les princes musulmans, avec 10 000 hommes, arrivèrent au secours de Haran. Les chrétiens les attaquèrent et les mirent en déroute. Mais dans la poursuite, les chevaliers d'Édesse s'aventurèrent trop loin et furent capturés ou dispersés. Les autres, attaqués dans leur retraite, coupés par une sortie de la garnison de Haran, se débandèrent. Cette bataille ruina la domination des Normands en Orient. Les musulmans assiégèrent Édesse et reprirent les environs d'Antioche. Les Byzantins occupèrent les villes de Cilicie. Raymond de Toulouse continua ses conquêtes. Bohémond partit pour aller chercher des renforts en Europe, 1104. En 3 ans, il parvint à réunir une armée de 35 000 hommes. Il embarqua à Brindes sur 230 navires, 1107. Mais au lieu de l'emmener en Syrie, il entreprit de conquérir l'Empire grec. Il vint assiéger Durazzo, détruisit ses navires pour bâtir des machines de siège, fut coupé de ses communications par la flotte byzantine, affamé et obligé de demander la paix, 1108. Il dut se reconnaître vassal d'Alexis, qui lui laissa Antioche seulement comme fief viager. Il revint en Italie et y mourut en 1111. Baudouin d'Édesse et Jocelyn, prisonniers des musulmans, fut relâché par un des deux émirs qui se disputaient Mossoul, à condition de l'aider contre son rival. Mais quand ils voulurent retourner dans leur ville, Tancrède, qui les avait occupés durant leur captivité, refusa de les leur rendre. Il s'allia contre eux à l'émir d'Alep, Ridvan, et l'on eut, dès 1108, le spectacle d'une guerre où le croisé Tancrède, allié d'un infidèle, combattit contre les croisés Baudouin et Jocelyn, alliés des Arméniens et d'un musulman. À la mort de Bohémond, l'empereur fit sommer Tancrède de lui rendre Antioche. Tancrède refusa. Alexis envoya demander aux Provençaux et au roi de Jérusalem de s'allier à lui contre les Normands. Mais à ce moment, il fut obligé de se défendre en Asie mineure contre le nouveau sultan d'Iconium, qui avait recommencé la guerre en 1110 et ravagé la Phrygie jusque près de l'Hélipon. Il dut abandonner la principauté d'Antioche, qui resta un état indépendant, gouverné par des princes normands. Dans le pays de Tripoli, Raymond de Toulouse, mort en 1105, fut remplacé par son fils Bertrand, qui arriva avec une armée provençale en 1109, prit Tripoli et prêta serment comme comte de Tripoli au roi de Jérusalem. Organisation de la conquête. Les chrétiens avaient ainsi conquis quatre principautés indépendantes l'une de l'autre. Royaume de Jérusalem, principauté d'Antioche, comté d'Édesse, comté de Tripoli. Chacune avait son prince, souvent en guerre avec les autres. Le roi de Jérusalem obtint parfois l'hommage des autres princes, mais il n'eut jamais, en dehors de son royaume, qu'une sorte de prééminence morale sans autorité. Les croisés avaient trouvé le pays habité par des chrétiens descendants de l'ancienne population grecque, à qui les musulmans, suivant leur usage, avaient laissé leur religion et leurs lois à condition de payer l'impôt. Ces indigènes avaient encore leurs évêques et leurs patriarches, mais comme tous les chrétiens grecs, ils ne reconnaissaient pas l'autorité du pape. Ils formèrent le fond de la population, les paysans et les artisans. Les latins qui les méprisaient, comme schismatiques, continuèrent à les traiter en sujets. Les catholiques venus d'Occident formèrent les classes supérieures et gardèrent pour eux tout le pouvoir. Ils furent toujours peu nombreux, car la plupart des croisés, aussitôt leurs vœux accomplis, rentraient chez eux. Il ne restait en Orient que ceux qui étaient venus y chercher fortune. Des chevaliers établis comme seigneurs, des marchands établis comme bourgeois. Les chevaliers étaient presque tous des Français. Toutes les familles princières de Syrie ont été françaises. Le français devint la langue de tous les occidentaux du Levant. Les marchands étaient presque tous italiens. Trois villes d'Italie, Venise, Gênes, Pise, avaient alors des navires de guerre et commerçaient en Orient. Dès qu'elles apprirent le succès des croisés, elles envoyèrent de petites flottes dans les ports de Syrie pour prendre leur part de la conquête. Ces Italiens aidèrent les princes à s'emparer des places fortes, et se firent payer cher leur aide. Dans chacune de ces villes, le peuple italien qui avait aidé au siège recevait en pleine propriété un quartier, parfois le tiers de la ville, un marché, une église, un bain, un four, un quai, un magasin, le droit de débarquer et de vendre ses marchandises sans payer de taxes. Dans ce quartier, le gouvernement de la métropole italienne était souverain. Elle y envoyait un gouverneur qui résidait dans un palais. Venise dominait dans les villes du royaume de Jérusalem, Gênes dans celles du comté de Tripoli et de la principauté d'Antioche. Pise avait moins d'établissements que ses deux rivales. Marseille avait un quartier enclos à Jérusalem. Le pays occupé restait toujours menacé. Presque chaque année, des cavaliers musulmans venaient ravager la campagne. Les chrétiens, trop peu nombreux pour peupler le pays, s'étaient tous établis ou dans les villes fortes de la côte ou dans des châteaux sur les montagnes escarpées de l'intérieur, jusqu'au bord du désert par-delà le Jourdain. Les bourgeois des villes s'enrichissaient par le commerce. Ils recevaient les denrées de l'Inde, les soies, les épices, le musc, l'aloès, le camphre, l'ivoire, les perles que leur apportaient les musulmans. Ils les revendaient aux marchands d'Italie, de Marseille et de Barcelone. Ils vendaient aussi les produits naturels de la Syrie, oranges, figues, amandes, sucre, vin, huile, et les objets fabriqués dans le pays, tissus de soie de Tripoli, verreries de Tyr. Les chevaliers des châteaux étaient propriétaires de la campagne. Ils se faisaient payer des redevances par les paysans syriens et pillaient les caravanes des musulmans. En Orient comme en Occident, la guerre était un commerce lucratif. Les chevaliers faisaient des expéditions de pillage en pays musulmans, saccageaient les villages, enlevaient les habitants, les emmenaient captifs et les forçaient à se racheter. Après les batailles, on avait commencé par trancher la tête aux prisonniers. Mais des deux côtés, l'usage s'établit bien vite de les mettre à rançon. Oussama raconte qu'en 1119, un seigneur français ayant été pris par les musulmans offrit 10 000 pièces d'or pour sa rançon. L'émir dit « Menez-le à l'Atabek. Peut-être, en lui faisant peur, lui arrachera-t-il une plus forte rançon. » L'Atabek buvait dans sa tente. Quand il vit arriver le prisonnier, il se leva, retroussa les pans de sa robe dans sa ceinture, brandit son cimeterre, sortit vers le chrétien et lui trancha la tête. L'émir rejoignit l'Atabek et lui fit des reproches. « Nous n'avons pas une pièce d'or pour la solde des Turcomans. Un prisonnier nous offre 10 000 dinars. Je te l'envoie pour que tu lui arraches une plus grosse somme. Et voici que tu l'as tué. » Les Orientaux appelaient tous ces étrangers des Francs. C'était une habitude qui remontait au temps de Charlemagne, alors que tous les chrétiens d'Occident étaient réunis dans l'Empire franc. Elle persiste encore aujourd'hui. À Constantinople et dans le Levant, tous les Européens sont appelés francs. Assise de Jérusalem. Les chevaliers et les bourgeois établis en Orient ne devenaient pas des Orientaux. Ils gardaient leurs usages et leurs lois. Les seigneurs qui avaient conquis le pays prirent les titres de roi, de prince, de comte. Les chevaliers qui les aidèrent devinrent des barons ou des sires, quelques-uns des comtes. À mesure qu'un pays était conquis, le prince le partageait en grands domaines qu'il distribuait en fiefs à des chevaliers à condition de le servir dans ses guerres. Le régime féodal fut ainsi transporté en Syrie. Il y eut des sires de Tibériade, de Jaffa, etc. Et même cette féodalité fut plus régulièrement organisée qu'en aucun pays d'Europe. Le roi de Jérusalem lui-même était regardé comme le chef seigneur, suzerain, et obéit seulement à ce titre. Tous les domaines étaient des fiefs, tous les chevaliers des vassaux. En Syrie, comme en Europe, les droits et les devoirs du prince et des chevaliers n'étaient réglés par aucune loi écrite. Les assises, c'est-à-dire les réunions de chevaliers qui jugeaient les procès, suivaient la coutume féodale. Vers la fin du XIIe siècle, des particuliers eurent l'idée de rédiger les coutumes qu'on appliquait dans les assises du royaume de Jérusalem. Le recueil de ces coutumes a pris le nom d'assises de Jérusalem. Comme il y avait deux espèces de tribunaux, le recueil se compose de deux parties. Les assises des chevaliers sont les coutumes des cours de chevaliers. Elles reposent sur le droit féodal. Les assises des bourgeois sont les coutumes des tribunaux bourgeois. Elles consistent en une combinaison des usages suivis dans les villes de l'Europe méridionale en matière de commerce. Au XIIIe siècle seulement, on décida que ce recueil deviendrait obligatoire et les assises restèrent la loi du royaume de Chypre jusqu'à sa fin. On a cru longtemps que ces recueils reproduisaient des lois plus anciennes, qu'on appelait les lettres du Saint-Sépulcre. Godefroy de Bouillon les avait fait rédiger, disait-on, aussitôt la prise de Jérusalem, mais elles avaient été détruites en 1187 quand la ville fut prise. Cette tradition a été imaginée très tard pour faire paraître les assises plus respectables. Il y avait des assises du même genre à Antioche. Un fragment s'en est conservé dans une traduction en arménien. Les ordres militaires. Les pèlerins arrivaient en Terre Sainte épuisés par le voyage. Beaucoup tombaient malades et restaient à l'abandon. Dès le temps de la prise de Jérusalem par les croisés, 1099, des nobles français charitables s'étaient réunis pour fonder un hôpital destiné à recueillir les pèlerins. Ils formèrent une congrégation religieuse dont les membres s'engageaient à se vouer au service des pauvres et des malades, à vivre de pain et d'eau, à ne porter que des vêtements grossiers, comme les pauvres leurs maîtres. Ils vivaient d'aumônes que leurs quêteurs allaient ramasser dans tous les pays chrétiens et qu'ils venaient déposer dans la salle des malades. Leur hôpital s'appelait la maison des pauvres de l'hôpital de Jérusalem ou l'hôpital de Saint-Jean. Plus tard, il changea de caractère. Il y eut encore des frères servants, c'est-à-dire des infirmiers. L'hôpital reçut jusqu'à 2000 malades et continua à distribuer chaque jour des aumônes. On raconta même que le sultan Saladin s'était déguisé en pauvre pour éprouver la charité des hospitaliers. L'ordre garda son nom d'hospitalier de Saint-Jean et son sceau, qui représente un malade étendu avec une lampe aux pieds et un crucifix à la tête. Mais les chevaliers qui y entrèrent devinrent une congrégation d'hommes de guerre qui s'engageaient à combattre les infidèles. On n'y recevait plus que des chevaliers nobles ou des bâtards de princes. Il fallait, pour y être admis, apporter son équipement complet ou payer une indemnité de 2000 sols tournois à l'arsenal de l'ordre. Dans tous les états de Syrie, les princes permirent aux hospitaliers de bâtir des châteaux dans les campagnes et des maisons fortes dans les villes. Leur principale place était située dans les pays d'Antioche et de Tripoli, autour du lac de Tibériade et à la frontière d'Égypte. Leur château de Markab, bâti en 1186, couvrait tout le sommet d'un plateau aux flancs abrupts. Il contenait dans son enceinte une église et un village. Il abritait une garnison de 1000 hommes et des provisions pour 5 ans. L'évêque de Valénia s'y était réfugié. Dans tous les pays d'Europe, les hospitaliers reçurent des domaines. Ils eurent, dit-on, au XIIIe siècle, jusqu'à 19 000 manoirs. Dans chacun, ils établissaient quelques chevaliers avec un commandeur. Beaucoup de villages du nom de Saint-Jean sont d'anciennes commanderies de l'hôpital. Avant que l'hôpital se fût transformé, quelques chevaliers fatigués du service des malades avaient cherché un emploi plus conforme à leur goût. En 1123, 8 chevaliers français formèrent une congrégation dont les membres s'engageaient à escorter les pèlerins sur la route de Jérusalem pour les défendre contre les infidèles. Ils élurent pour grand maître de l'ordre Hugues de Payan. Le roi Baudouin leur donna une partie de son palais, le temple, élevé sur l'emplacement de l'ancien temple de Salomon. Ils prirent le titre de « pauvres frères du temple de Jérusalem » ou « templiers ». Saint Bernard les protégea et aida à rédiger leurs règles, imitées en partie de celles des moines de Cîteaux. Elle fut approuvée au Concile de Troyes, 1128. L'ordre est formé de 3 espèces de membres qui tous ont fait les 3 vœux des moines. Les chevaliers sont des nobles et seuls peuvent commander au couvent et exercer une dignité. Les sergents sont des bourgeois riches qui ont donné leurs biens à l'ordre et servent soit d'écuyers, soit d'intendants. Ils tiennent les comptes. Le commandeur de la côte qui surveille les embarquements et les débarquements est un sergent. Les clercs servent de chapelains. Les papes, très favorables aux templiers, leur ont permis d'avoir des chapelles et des cimetières et de choisir les clercs qui font le service religieux dans leur couvent. Ils ont décidé que tous les clercs à leur service devaient obéir non à leur évêque mais au grand maître du temple. Bulle de 1162. Le temple est devenu ainsi au milieu de l'église une église indépendante soumise seulement au pape. Les princes, surtout en France, pris d'admiration pour ces chevaliers qui se vouaient à une croisade perpétuelle, leur firent d'énormes donations. Le temple arriva à posséder 10 000 manoirs en Europe, une flotte, des banques, et un trésor tel qu'il put offrir d'acheter l'île de Chypre au prix de 100 000 pièces d'or. L'hôpital et le temple étaient des ordres français. Quand les Allemands vinrent plus nombreux en Terre Sainte, ils eurent besoin d'un hôpital où on parla leur langue. Il y avait à Jérusalem une maison pour les pèlerins allemands, mais qui dépendait de l'hôpital. Pendant que les croisés assiégeaient Saint-Jean d'Acre, en 1189, quelques Allemands avaient recueilli leurs malades dans un navire échoué. Les princes allemands leur donnèrent les moyens de fonder un hôpital qui, en 1197, s'organisa sur le modèle de l'hôpital de Saint-Jean. Les membres étaient des chevaliers allemands qui s'engageaient à la fois à soigner les malades et à combattre les infidèles. Ils s'intitulaient « frères de la maison allemande ». nous disons chevaliers de l'ordre teutonique. Pendant le séjour de l'empereur Frédéric II, ils acquirent des domaines et se bâtirent près de Saint-Jean-d'Acre le château de Montfort, 1229, qui resta le siège de leur ordre jusqu'en 1271. Les trois ordres ainsi fondés étaient des congrégations de religieux qui prononçaient les trois vœux ordinaires, pauvreté, célibat, obéissance. Chaque ordre était organisé comme ceux de Cluny ou de Citeaux. Le chapitre général, c'est-à-dire l'assemblée des dignitaires et des chefs des couvents réunis dans la maison mère, gouvernait l'ordre tout entier. Les couvents n'étaient que des dépendances administrées pour le compte de l'ordre. Mais ces religieux étaient en même temps des chevaliers. Ils avaient pour mission la guerre. Ils n'admettaient que des nobles et leurs chefs étaient souvent de grands seigneurs. Le chef de l'ordre s'appelait non pas abbé, mais grand maître. Le chef d'un couvent, commandeur, au lieu de prieur. Leur costume était moitié religieux, moitié militaire. Ils portaient l'armure de chevalier recouverte d'un manteau. Les hospitaliers avaient le manteau noir et la croix blanche, les templiers le manteau blanc et la croix rouge, les teutoniques le manteau blanc et la croix noire. Chaque ordre, avec son trésor, ses domaines, ses forteresses, ses hommes de guerre, était comme un petit état. Fin de la section 28.